Cartographie des mémoires, Agaris. Juste à côté du garage, avec la porte rouge, il y a comme une petite impasse. Dans cette impasse, il y a un petit banc. C'est une histoire un peu personnelle et pourtant elle ressemble à celle de beaucoup d'autres familles. Voici ce que Rosalie m'a raconté. Il s'est passé presque 14 ans depuis la fin de la dictature et on est toujours sans nouvelles de ta mère. Les restes de ton père ont été retrouvés derrière l'ancienne prison de la rue San José. Il est enterré avec sa famille au cimetière central au sud de Montevideo. Tu as 18 ans, presque l'âge qu'avaient tes parents quand ils sont morts et un jour tu seras plus vieille qu'eux. Eux, ils ont 20 ans pour toujours. Tes parents ont toujours eu des idéaux de gauche. Ils rêvaient d'un monde plus beau pour toi, et c'est pour ça qu'ils sont morts. Tu as les mêmes yeux que ta mère, et cette même lueur spéciale qui y brille. Quand Bordaberry a installé la dictature, j'étudiais l'histoire à Montevideo. Tu sais que ça m'a toujours passionnée. Mais je rêvais de voyager sur les traces de Sauveur. Au fil des mois, les disparitions se sont multipliées, et un jour, un homme a sonné à la porte avec toi toute petite dans les bras. Tes parents avaient disparu. Il m'a conseillé de partir. C'est ce que j'ai fait après avoir cherché un temps tes parents sans succès. Nous sommes toutes les deux orphelines de ta mère. Je vais te parler d'elle pour essayer de colmater cette blessure brutale et silencieuse qu'a infligée la dictature à notre famille. Il faudra te convaincre que cette blessure ne sera pas mortelle. Regarde attentivement les ombres. Elles ne sont jamais complètement noires. Elles contiennent aussi des nuances de couleurs. Et si tu restes fidèle à cette pensée, Anna, alors tu trouveras toujours un peu de couleur dans les ombres. J'ai reçu bien des coups que j'aurais pu considérer comme fatales, mais à chaque fois, je suis restée fidèle à la pensée de Rosalie et je prononçais cette phrase comme une formule magique. Cette blessure ne sera pas mortelle. Cette blessure ne sera pas mortelle. Cette blessure ne sera pas mortelle. Maintenant, tu peux sortir de ce petit labyrinthe et tu vas tomber sur un champ. Regarde. Ce jour-là, malgré tout, je me suis sentie soulagée. Les secrets pèsent parfois plus lourd que la vérité. J'étais comme ma mère à son âge. Je rêvais aussi d'un monde plus beau et je voulais prendre des risques pour lui. Seulement moi, je pensais que pour faire la révolution, il me suffisait d'avoir un poster du Che accroché à ma chambre. On ne pense jamais tout seul. On pense avec les autres, les morts et les vivants. Je ne crois pas aux fantômes, mais quelque part en moi, il y a une trace de mes parents, de Sauveur et de Rosalia. Ils m'ont laissé des pierres avec lesquelles construire mes fondations. Maintenant, on va tourner à gauche et on va continuer tout droit. Tu vas voir, il y a des nouvelles maisons qui ont été construites. Vas-y. Je suis partie de Garis et d'autres sont venus s'y installer. Dans ces maisons, d'autres enfants vont grandir, qui feront eux aussi Garis. Je suis allée bien au-delà de ces champs et de ces routes. J'ai troqué les moutons contre des chiens en laisse et des voitures sur l'autoroute. J'ai voyagé d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre. Partout où je suis allée, j'ai croisé des gens d'ailleurs. J'ai changé d'avion et de fuseau horaire. Parfois, j'oubliais de donner des nouvelles à Rosalie pendant des semaines. Elle observait les étoiles en essayant de se figurer comment sont les étoiles dans l'hémisphère sud. Sa maison prenait parfois l'aspect d'un relais d'autoroute et pourtant, pendant toutes ces années, je n'avais fait que cheminer inlassablement vers Garis. Un moment, tu vas voir, il y a une petite route qui tourne à gauche et tout au bout, au loin, tu vas voir un cadran solaire. Alors on va se diriger par ici. Tu vois, si je devais parler de Garis à des gens que je ne connais pas, je leur parlerais de la voie Jacquère, des stèles dans le cimetière, de la foire, des fêtes et de la rue médiévale. Ce que je garderai pour moi, c'est ce cerisier où j'aimais me percher pour manger des cerises et la route que tu vois là-bas. C'est une route qui, en soi, n'a rien d'extraordinaire pour les gens qui ne la connaissent pas, mais pour moi, c'est celle que je prenais avec Yon pour aller nager à la rivière. Oui, je sais, je ne t'ai pas encore parlé de Yon. Je vais y arriver. Il travaillait l'été au garage. Oui, le garage par où on est passé tout à l'heure. Notre prochain arrêt, on va le faire juste en face. C'est l'hôpital des pèlerins.